Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons poursuivre sur ce thème de la mort, mais en le regardant sous l'angle de la médecine légale. Et pour en parler, j'accueille Sandy Ernie. Elle est étudiante à l'INRS, mais passionnée de médecine légale. Elle a d'ailleurs travaillé comme assistante de thanatologue en institut médico-légal. Bonjour Sandy. Bonjour. Donc en fait, c'est presque un revirement, une réorientation que tu as fait. Là, tu es maintenant en sciences de l'environnement. Voilà. Mais auparavant, tu as un passé d'études et de travail. C'est surtout que j'ai travaillé là-dedans. Ouais, les c'est études ça. Étaient plus environnement, mais j'ai juste travaillé en médecine légale. D'accord. Donc, pour commencer, en fait, quels sont les champs d'action de la médecine légale? Parce que j'ai parlé de mort en introduction, mais c'est plus large que ça. C'est extrêmement large, la médecine légale. C'est pas tout ce qui touche au corps. C'était justement aussi ce que je voulais dire. C'est que c'est très médiatisé. On a vraiment l'impression que ce sont les cadavres. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin légiste, par exemple, va aussi intervenir lors d'agressions ou de viols pour des expertises judiciaires. Donc des gens vivants, qui sont vivants, c'est exactement, ça? Exactement, les vivants sont aussi concernés. Mm-hmm. Donc c'est quand même important. Et aussi, ce qui est vaste, c'est que la médecine légale, bah, c'est pas que le médecin légiste ou coroner, c'est aussi la police judiciaire et tous les corps de métier qui y sont rattachés. Oui, puis on entend aussi cette expression dans les médias, dans les médias de mort suspecte. Tout. Souvent, ça revient, il y a bon, quelque chose qui se passe à Limoilou, quelque part, une mort suspecte. Oui, mais finalement, ça. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression? Parce que pourquoi cette mort est-elle suspecte par rapport à une autre mort? Ben en fait, c'est déjà donc dès qu'il va y avoir une découverte de corps, en premier lieu, une mort suspecte va être un petit peu ce qui va être l'inverse de la mort naturelle. La mort naturelle, c'est une définition qu'on fait plus par opposition, c'est-à-dire qu'elle va être ni violente ni toxique. On parle la maladie, la vieillesse, etc. Ouais. La première nuance qu'on peut faire, c'est quand il s'agit de mort violente. Donc, elle est définie comme causée par un agent extérieur physique ou toxique, mais elle ne va pas être toujours criminelle. Une mort violente, ça peut être le suicide, l'accident ou l'homicide. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mort violente est toujours suspecte en premier lieu. Et là, c'est à la police judiciaire de savoir si on passe en mort suspecte ou non. Donc, la mort suspecte, elle est définie comme qui intervient lors de circonstances non élucidées au moment de la découverte du corps et dans laquelle on ne peut exclure l'intervention d'un tiers. Mm-hmm. Par exemple, ça va être si on n'a pas de témoins, des antécédents psychiatriques aussi de la personne qui pourrait soutenir la thèse du suicide. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a une personne jeune qui décède, automatiquement, on va le passer en mort suspecte. Ouais. Donc après, ça va être vraiment la police judiciaire et la médecine légale qui va intervenir et élucider très rapidement les circonstances de la mort. Puisqu'on estime que les 48-72 heures suite à la découverte d'un corps sont les plus importantes. Ouais. Peut-être aussi selon les circonstances de la découverte. J'imagine que si on trouve quelqu'un, je sais pas, en bas d'un édifice ou en bas d'une falaise, il est tombé. Oui, mais est-ce qu'il aurait pas été poussé? Est-ce que c'est un corps suspect? Ah, d'accord. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est toujours considéré comme suspect, jusqu'à preuve du contraire. Ça, parce qu'on comprend qu'il est mort à cause de sa chute, mais l'origine de la chute reste suspecte. Par exemple, il sera peut-être pas mort à cause de sa chute. Il sera peut-être mort avant et le corps aura été jeté en bas. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais, toujours être très objectif. D'accord. Si on se transportait sur le terrain pour, on découvre un corps. Donc comment savoir là si c'est criminel ou non? Par quoi ça commence le travail? Voilà. Donc là, si on se base vraiment sur la médecine légale, donc je me suis plus attardée aux signes apparents sur le cadavre. En gros, c'est comment faire parler un cadavre, puisque à côté, on a aussi tout le travail d'enquête, interrogatoire, l'environnement, les témoins, les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le corps qui nous donne des indices? Voilà. Donc là, j'ai pris d'une enquête, une vraie enquête judiciaire d'ailleurs. C'était le corps d'un homme qui avait été découvert un matin dans un terrain vague. Si je me rappelle bien, c'était un matin de printemps. Aucun signe, par exemple, de coup ou d'agression par arme blanche ou quoi que ce soit. Mais par contre, le signe distinctif, c'était qu'il était complètement recroquevillé sur lui-même, quasiment en position fœtale. Et ce qui était très surprenant, c'est vrai que pour avoir vu le corps, même pour un contorsionniste, ça aurait été bizarre. Donc là, à partir de là, on a 5 points précis que va utiliser la police judiciaire et le médecin légiste. Le premier point, ça va être ce qu'on appelle le refroidissement cadavérique. Donc la température a diminué. Exactement, en fait. C'est ce qui va vraiment servir à donner l'heure de la mort, puisqu'on va avoir le corps va équilibrer sa température avec la température extérieure. Donc, par exemple, dans nos pays, on va parler de refroidissement cadavérique. Ah. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans des pays chauds, on va assister à un réchauffement cadavérique. Ben voilà. Par exemple, si la température ambiante est à 42 ou 43 degrés, ben le corps va se réchauffer. Ça doit avoir des conséquences sur la décomposition, non? Oui, ça accélère, bien sûr. Le chaud accélère la décomposition des corps. On estime globalement que le corps perd de 0,5 à 0,8 degrés par heure. Il rejoint la température ambiante en moyenne dans les 8 à 12 heures. Donc, bien évidemment, ça dépend de la température du corps avant le décès, de l'environnement, etc. On estime que ça ne va pas être fiable au-delà de 24 heures pour dater la mort. Donc, dans notre cas d'école, du corps de cet homme qui a été découvert sur le terrain vague, il s'est avéré que la température extérieure était douce. On a dit que c'était un matin de printemps. Globalement, une perte de 6 degrés du corps. On estime que la mort est survenue pendant la nuit. D'accord. Grosso modo. Ouais. Et là, est-ce qu'il y avait une rigidité cadavérique ? Par exemple, on a parlé tout à l'heure, elle avait été recroquevillée. Voilà. Ben, en fait, ça, c'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce qui apparaît énormément dans les films. C'est une des plus grosses erreurs des films, la rigidité cadavérique, bien sûr. Donc, elle sert aussi à dater la mort en médecine légale. C'est vraiment la perte d'élasticité musculaire suite au décès. Elle va débuter globalement à la 3e heure, par le haut du corps. Elle se propage et enfin, elle va disparaître à la 30e heure. Dans le même ordre dans lequel elle est arrivée, elle va disparaître d'abord par les jambes, puis se propager au niveau de la tête. Donc ça arrive, ça s'installe et ça repart. Et c'est exactement la grosse erreur qu'on voit souvent dans les films, parce qu'on voit un corps découvert depuis une semaine, par exemple, qui est tout rigide. Ça se peut pas, c'est complètement faux. Voilà, c'est-à-dire que la virginité ne s'installe pas. Donc, dans le cas de notre cas d'école, on a constaté que le haut du corps était rigide, pas le bas. Donc, on est vraiment dans la phase d'installation de la rigidité cadavérique, ce qui va confirmer le délai post-mortem inférieur à 12 heures. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des signes, par exemple, sur la couleur ? Oui, bien sûr. Ça aussi, on les voit parfois dans les films. C'est ce qu'on va appeler les lividités cadavériques. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'elles vont vraiment renseigner sur l'aspect criminel de la mort, puisqu'elles vont indiquer si le corps a été bougé ou non. Donc en fait, les lividités cadavériques, c'est l'arrêt de la circulation sanguine. On a vraiment, au moment de l'arrêt du cœur, le sang qui rejoint les parties des zones déclives du corps sous l'effet de la gravité. Donc le sang va descendre, ça va donner un petit peu une coloration lit de vin, bordeaux foncé, sauf au niveau des zones d'appui. Donc, par exemple, sous les jambes ou sous le bassin, vu que ça appuie, le sang ne va pas se stagner ici. Elles apparaissent, tout comme la rigidité cadavérique, au niveau de la 3e heure. Elles vont être maximales entre la 12e et la 30e heure, puis elles vont s'estomper et disparaître. Donc elles suivent un peu, finalement, ce qui paraît logique, la rigidité des muscles. Elles vont vraiment suivre le rythme du corps. En gros, on estime qu'elles vont être présentes jusqu'à l'installation de la putréfaction. Donc à peu près le 3e jour. Dans le cas de notre cadavre, en fait, il s'est avéré qu'il avait des lividités présentes qui n'étaient pas forcément très marquées. Et ce qui était étonnant, c'est qu'en fait, elles se situaient surtout au niveau de l'épaule, de la hanche et de la jambe supérieure, mais celles qui n'étaient vraiment pas en contact avec le sol. Parce qu'il était en position fœtale, donc sur le côté, et c'était vraiment celles qui étaient un petit peu les parties des membres qui étaient face au ciel. Complètement contraire à ce que ça aurait dû être. Mais il y avait pour le temps, c'était concordant avec la rigidité. Là, ça c'est vraiment les lividités cadavériques, c'est vraiment une question de mouvement du corps post-mortem. Donc c'est au niveau du temps, on était si elles étaient encore là, c'est qu'on n'avait pas passé la 30e heure suivant le décès. Mais donc c'est pas vraiment ça nous sert pas à dater un décès. C'est vraiment question de mouvement. Donc là, ce qui était bien dans ce cas-là, c'est que ça a permis d'appuyer l'aspect criminel. Et donc de poursuivre l'enquête et compagnie et pas de l'arrêter là. Parce que c'est ça voulait dire qu'il n'était pas forcément... C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas mort dans cette position. C'est ça, exactement. Donc à part un énorme coup de vent ou une tornade, logiquement, c'est que quelqu'un est intervenu. Est-ce qu'il y a d'autres signes ? Je ne sais pas, les yeux ou n'importe quoi. Dans les yeux, il y a les pétéchies, les choses comme ça, là, quand il y a asphyxie. Et justement, en fait, un autre aspect de l'asphyxie, ça va être la cyanose. Parce que souvent, je vois souvent dans les experts CSI, New York et tout, ils parlent beaucoup des pétéchies, c'est les petites traces au niveau des yeux quand il y a asphyxie. Mais nous, ce qu'on utilise souvent en médecine légale, c'est vraiment la cyanose, qui va plus renseigner sur les conditions de la mort, mais vraiment sur une détresse respiratoire. Donc la cyanose ? Ça va être un aspect un peu violacé des ongles, des pieds et parfois aussi du visage. Ça dépend un petit peu des circonstances de la mort. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est décédée par asphyxie. Si elles sont plus ou moins marquées, c'est au moins que si elles sont peu marquées, il y a eu une détresse respiratoire. Et finalement, ça va être vraiment l'aspect violacé et dû au fait que les organes vont puiser de l'oxygène dans l'hémoglobine. Et ça va être ce surplus d'hémoglobine qui va donner l'aspect violacé, en fait. Ouais. Donc, toujours au niveau de notre cas d'école, ce qui sert bien quand même pour illustrer ce genre de choses. Donc, on a juste remarqué une légère coloration au niveau des ongles. C'est-à-dire que ce qui indique que la personne a sûrement une détresse respiratoire, mais elle n'est pas morte d'asphyxie. Mmh. Et la cause de la mort, en tout cas sur le lieu de la découverte, n'était pas visible. Mmh. Donc il faut regarder autre chose. Ouais. Et donc c'est là qu'en fait on va voir, on va plus passer au niveau de l'autopsie. Mmh. À proprement parler, puisqu'on va rentrer vraiment après dans les processus de putréfaction et dégradation du corps. Ouais, donc là, comment on fait ça pour faire Donc là, je ne vais pas détailler, parce que ça, par contre, c'est extrêmement vaste. Ouais. Il y a vraiment toutes les étapes de la mort sur plusieurs semaines. Mais généralement, après 48 heures, on va avoir les premiers signes de la mort. Ça va être la tache verte abdominale, etc. Donc là, ça va être vraiment le médecin légiste qui va le faire en ouvrant le corps. Mm-hmm. C'est là qu'on va vraiment pouvoir avoir plus d'informations, ou les entomologistes avec les insectes aussi. Ah oui, bien c'est sûr. Vrai, les entomologistes, c'est vrai. Voilà, et dans le cadre de notre monsieur. Oui, donc est-ce que finalement, en remettant tous les. Putréfaction, en tout cas. Donc est-ce qu'en remettant ensemble tous les indices, est-ce qu'on est arrivé à savoir ce qui s'est passé avec ce personnage? Voilà, donc au niveau du corps, en fait, donc, ce qui a permis de savoir, c'est que c'était criminel, en tout cas qu'il y avait une tierce personne, c'est passé en mort suspecte et probablement criminel. Le travail d'enquête de la police judiciaire a effectivement mené un suspect, donc a avoué très très rapidement. Mmh. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que la victime est décédée au domicile de l'agresseur et est décédée par empoisonnement. Ce qui avait été confirmé, de toute façon, pour nous, avec des analyses toxicologiques. Ouais. Et finalement, en fait, l'agresseur savait absolument pas quoi faire du corps et l'a laissé dans son coffre de voiture plusieurs heures. Ah. Donc en fait, au moment c'est ça, de il est recroquevillé. C'est ça. Donc au moment de l'installation de la rigidité cadavérique et des lividités. D'accord. Donc finalement, le corps a pris la forme du coffre. Puis lui, au moment où il a voulu sortir le corps du coffre, il a retourné le corps. Ouais. Donc ce qui fait que les lividités se sont retrouvées face au ciel au lieu d'être face au sol. Et voilà. Et donc ça, ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, quand un suspect passe en police judiciaire, ça permet aussi de confirmer ou de contredire ce que le suspect peut dire. Mmh, c'est ça, exactement. Voilà. Ouais. De dire non, c'est pas possible, vous avez forcément dû bouger le corps ou quoi que ce soit. Mmh, voilà. C'est assez fascinant, tout ce qu'on peut faire dire à un cadavre, finalement. C'est lui ça. Est muet, mais pas entièrement. La médecine légale, c'est vraiment ça, c'est donner la parole au corps. Ouais. Merci beaucoup, Sandy, d'être venue en studio pour nous faire participer à cette enquête. Merci à vous. Et puis, maintenant, sans plus de suspense, on va passer en publicité. Et au retour, on vous parle du sommeil et de la mémoire. Et vous êtes sur CKRL au 89.1.